Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is a message to Canada and all the American Tawagit. We are coming and we will destroy you, bidnillahi ta'ala. After Sham, after Iraq, after Jazeera, we are going for you, Barack Obama. Cette semaine, le nerf de la guerre. Oh mes frères de France, mes frères en Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Dans les dernières heures de la bataille, les derniers djihadistes encerclés ayant tenté une ultime sortie, la mort change de camp. L'ampleur des frappes, leur répétition... leur permanence a permis de bloquer Daesh. Terrorisme et financement. Le financement du terrorisme est au cœur de notre semaine. Nous avons rencontré, pour évoquer ce sujet, Denis Boulard et Fabien Pilieu, co-auteurs de l'ouvrage « L'argent de la terreur » paru chez First. Toute peine mérite salaire, Fabien Pilieu. J'ai découvert dans votre ouvrage que on était chez Daesh, ou quand on était chez Daesh, on pouvait être salarié. Je dirais pas que les bras m'en sont tombés, mais quand même, j'imaginais pas du tout une grille de salaire. Qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est les documents qui ont été retrouvés par les forces américaines quand elles ont bombardé les villes irakiennes. Donc les ordinateurs. Les ordinateurs, il y avait effectivement, au même titre que ce que nous préparent nos experts du ministère de l'économie et des finances à Paris, à Bercy, une tentative de, et ils ont réussi tout d'ailleurs, mais j'ai expliqué tout à l'heure, d'organiser un État, de faire de Daesh un État comme un autre, avec des fonctionnaires qui, certes, adhérer à la cause, mais surtout qui aurait des revenus fixes, une protection sociale, des écoles, tout ça étant bien entendu orienté au nom de la cause, mais de faire en sorte que cet État puisse durer au moins 1000 ans. C'est un peu ça l'idée. Et l'éventualité qui a été faite un temps de battre monnaie et participer justement de cette volonté de faire de Daesh un État comme un autre, entre la frontière assise sur les territoires syriens et irakiens, tout simplement. Fabien Pilieu, parmi les gouffres ouverts dans votre ouvrage, il y a celui, puisque vous êtes un spécialiste de l'économie, des crypto-monnaies. Alors moi déjà, je nage abondamment avec ce concept de crypto-monnaie, que je trouve par ailleurs extrêmement passionnant, mais pas facile forcément à saisir immédiatement. Et précisément, on retrouve là à nouveau nos héros de la semaine, à savoir Daesh et sans doute également Al-Qaïda. Alors, comment... La crypto-monnaie, c'est simplement... Je vais vous donner une image. Le dollar, l'euro, toutes les monnaies connues, échangées à travers le monde, sont émises par des banques centrales. La crypto-monnaie n'est pas émise... Une crypto-monnaie n'est pas émise par une banque centrale. C'est une monnaie qui est généré de manière électronique, sans que l'on sache vraiment à qui émet cette monnaie. Sa valeur varie en fonction des nombres de personnes qui vont s'en servir, qui vont l'utiliser, qui vont l'échanger. Ça permet d'avoir un anonymat complet sur l'argent que l'on possède et surtout sur la façon dont on va la dépenser. D'où l'intérêt de la crypto-monnaie. Intérêt à double sens. Un intérêt à double sens. Et piège. Oui, c'est un piège. Mais c'est un point. Mais à cette époque, la crypto-monnaie, le bitcoin existait déjà, quelques autres monnaies, crypto-monnaies commençaient à exister. Mais on a, avec Denis et Guillaume, on s'est rendu compte que c'est une partie très marginale, en fait, dans le financement, dans le fonctionnement de la structure financière de Daesh. C'était un peu pour les geeks en fait islamistes, cette partie-là. Ça aurait pu peut-être, si Daesh avait continué à prospérer, pu devenir un moyen pour cet État d'accélérer son développement financier, son développement économique, mais ils n'en ont pas eu le temps. Le fonctionnement de la structure financière de cet État, de cette organisation était beaucoup plus rudimentaire que ça, et notamment dans le financement de ces cellules, et notamment celles qui ont agi en France. On pense évidemment à ce travail d'Hercule tentant de décapiter l'hydre, en sachant que une seule tête parmi toutes les têtes de l'hydre a à voir avec l'éternité. Encore faut-il trouver la bonne. Là, vous évoquez la notion, on va dire, post-défaite sur le terrain de Daesh. Vous le dites, Denis Boulard, il ne leur reste plus que du sable. Mais là, déjà, il y a eu de l'anticipation et des capacités, quand bien même les têtes sont tombées, notamment par les bombardements alliés de la coalition, et il y a déjà une recomposition à l'heure de 2018-2019, on est déjà dans une recomposition très différente de la phase qui précède. Ah bah oui, je pense que c'est juste évident. Les têtes pensantes de Daesh, il faut bien imaginer, je crois, ou bien réaliser que ils font preuve d'un cynisme et d'un pragmatisme assez exceptionnel. Je vais vous donner un exemple très concret. En 2001, donc, on connaît tous les attentats du World Trade Center, et on s'est rendu compte quelques années plus tard que le marché de l'or avait subi deux attaques à ce moment-là. Tout d'abord, énormément d'achats d'or les semaines précédant les attentats, et ensuite beaucoup de reventes. L'or est une valeur refuge, et les services secrets pensent, avec évidemment quelques éléments pour le faire, hein, pensent que ce sont évidemment des gens d'Al-Qaïda, en l'occurrence Oussama Ben Laden, qui ont une intelligence d'acheter de l'or en amont, sachant que c'était une valeur refuge, que les bourses allaient s'effondrer et qu'il allait être extrêmement rentable de revendre après. Ce sont des hypothèses de travail ou plus que ça? Or, c'est plus qu'une hypothèse de travail. Ce sont des assertions qu'on trouve dans des documents tout à fait alors officieux, mais bien évidemment qui ont été écrits par des gens qui savent de quoi ils parlent. De la même façon, la traçabilité des gains. On disait tout à l'heure, on a parlé un peu de gangsterrorisme en fait, c'est-à-dire tous les outils qu'ils ont pu utiliser pour racketter, au sens littéral du terme, les populations syriennes et irakiennes sous leur houlette. Évidemment, au fur et à mesure que le territoire qu'ils maîtrisaient rétrécissait comme une peau de chagrin, évidemment, il y a eu des transferts de fonds. La vraie question, me semble-t-il, qu'on peut se poser, c'est de savoir si les banques occidentales ont fait en sorte de tracer ces transferts de fonds, d'en parasiter certains, de les refuser, ou si les banques ont fait preuve de pragmatisme, elles aussi, en acceptant ces fonds sans se poser de questions sur leur provenance. Qu'est-ce qu'on sait, là, actuellement ? Qu'il y a eu des transferts de fonds importants, notamment avec la City de Londres. Et que, évidemment, ce sont des prête-noms, des cache-noms, des sociétés écrans, et que ces gens-là sont extrêmement modernes, entre guillemets, dans leur façon de travailler, et qu'il n'y a aucune raison d'imaginer qu'ils sont plus bêtes que les autres, et qu'une fois qu'ils ont racketté les populations, ils restent sur leur tas d'or en ne bougeant pas et en attendant que les Américains, les Britanniques ou les Français ne viennent les détruire. Il faut pas être naïf, je crois. Je crois qu'il faut pas être naïf. Le terrorisme est en pleine évolution. Ces groupes terroristes sont en pleine mutation. J'en veux pour preuve un exemple très simple. Dans un premier temps, lorsque Daesh étend ses frontières sur le terrain, ils font appel à des jeunes occidentaux en leur disant « Venez nous rejoindre, venez vous battre ». Très rapidement, lorsqu'ils constatent que sur le terrain, ils sont en train de battre en retraite, ils ne disent pas aux jeunes « Arrêtez de vous battre pour nous, c'est plus la peine ». Non, pas du tout. Ils leur disent « Restez sur place et tuez sur place. Ne faites plus le voyage, ça n'a aucun sens. Tuez sur place, c'est la même guerre ». Ouais, c'est la même guerre. En réalité, leur illusoire pays de Cham, qui était donc géographiquement localisable, ils sont en train de le, comment dirais-je, de le transmuter en un territoire qui n'aurait pas de frontières. La guerre, elle a plus de frontières. Au sein de l'Europe, vous avez l'espace Schengen qui fait qu'il n'y a plus de frontières. Ça serait parfaitement illusoire et naïf d'imaginer que le terrorisme a des frontières géographiques bien délimitées et définitivement arrêtées. Ça serait complètement naïf. Je crois que le terme est le bon. Les lieux de ces frappes aériennes russes ne sont pas précisés. C'est Moscou qui a fourni ces images. Moscou qui est accusé par les Occidentaux de ne pas viser uniquement le groupe État islamique. Si ça ressemble à un terroriste, si ça se comporte comme un terroriste, si ça se bat comme un terroriste, c'est un terroriste, d'accord. Je vous rappelle que nous avons toujours dit que nous allions combattre le groupe État islamique et les autres groupes terroristes. C'est pourtant là toute l'ambiguïté. Les avions envoyés par Moscou sont soupçonnés de bombarder les opposants de tous bords. Ambiguïté que ne lève pas l'ambassadeur syrien en Russie. Cette opposition modérée dont nous parle John Kerry et l'administration américaine, qui est-elle ? Il n'y a pas de terrorisme modéré. Mais pour cette opposition dite modérée, les objectifs de la Russie sont clairs. Le but de la Russie n'est pas de combattre le groupe État islamique, mais de prolonger la vie du régime syrien. Aux États-Unis, la Maison-Blanche reste elle aussi très sceptique sur les objectifs russes, tandis que l'influent sénateur républicain John McCain accuse. Je peux absolument vous confirmer qu'il y a eu des frappes contre l'armée libre de Syrie ou contre des groupes qui ont été armés et entraînés par la CIA. Parallèlement à son action militaire, la Russie a distribué au Conseil de sécurité de l'ONU à son projet de résolution qui associerait le régime de Bachar el-Assad à une coalition internationale élargie contre les djihadistes. Résolution qui n'a aucune chance d'aboutir, car pour les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, toute coopération avec le président syrien demeure inenvisageable. Si l'on veut comprendre, Denis Boulard, le retour de la Russie dans le grand jeu international, à l'aune de cet épisode-là, ou de cette succession d'épisodes-là, qui se sont déroulés notamment entre 2014 et 2016, peut-on dire que, à sa manière, le terrorisme arrive désormais à rebattre les cartes des relations internationales ? En tout cas, ce qui est incontestable, en regardant la situation de la Russie de Vladimir Poutine, c'est qu'il a eu lui aussi le cynisme de permettre à un bourreau comme Bachar el-Assad de rester au pouvoir. Sans l'intervention de la Russie de Vladimir Poutine, Bachar el-Assad ne serait plus là. Et la Syrie aurait changé de main. Il a, lui, décidé, pris le parti de protéger ce pouvoir-là, quitte à massacrer des civils. Alors évidemment, ceci n'est pas politiquement correct, mais quitte à utiliser de l'armement chimique. Donc oui, le terrorisme aujourd'hui, en tout cas Vladimir Poutine a su utiliser ce terrorisme pour permettre à son pays de revenir sur le devant de la scène, en tout cas dans cette région-là du monde. Il a même fait plus fort, c'est-à-dire qu'il a réussi à pousser les États-Unis en dehors de cette zone, quasiment. Parce que la Russie a aujourd'hui un rôle à jouer extrêmement important dans la résolution de la crise moyenne-orientale, tout comme l'Iran d'ailleurs. Les États-Unis sont plutôt sortis du jeu. Et ce n'est pas imputable exclusivement, faut être très honnête, ce n'est pas uniquement de mon point de vue imputable exclusivement à Donald Trump. C'est une transition qui ne date pas de lui. C'est une transition qui date d'un dénommé Barack Obama. Mais je pense que pour être plus objectif, la compréhension de ce phénomène et de la non-volonté des États-Unis, ou de l'acceptation finalement de sortir un peu de ce jeu, en se cantonnant à l'Arabie Saoudite, elle vient sans doute du traumatisme du Vietnam pour les États-Unis, qui ont toujours eu du mal à digérer cette défaite aussi, et cette guerre menée aussi loin de leur terre. Maintenant, bon, je suis pas dans la tête des Américains, évidemment, je ne le souhaite pas. Mais oui, Vladimir Poutine s'est servi, parce que c'est quelqu'un lui aussi d'extrêmement moderne, entre guillemets, s'est servi du terrorisme et de la guerre au Proche-Orient pour permettre à son pays de retrouver une certaine lisibilité internationale. Denis Boulard, pensez-vous un jour, avec Fabien Pilieu, rouvrir un autre tome ou une nouvelle saison pour poursuivre ce qui est cette longue guerre désormais déclenchée? Alors aujourd'hui, nous réfléchissons avec Fabien à d'autres sujets. A priori, non. Nous ne reviendrons pas sur le même sujet. Je crois qu'on a besoin, Fabien et moi, de nous renouveler dans nos curiosités. Et que ce sujet-là, alors évidemment, on l'a pas... ça serait extrêmement prétentieux de prétendre qu'on l'ait complètement compris, qu'on l'ait complètement analysé de bout en bout. Ça serait d'une prétention sans fin. Mais voilà, je crois qu'on a envie de passer à... Enfin, je suis convaincu qu'on a envie de passer à autre chose et que d'autres sujets de société nous interpellent. Nous discutons actuellement d'autres sujets pouvant éventuellement faire l'objet d'un livre. Suite des entretiens avec Denis Boulard et Fabien Pilieu, co-auteurs de L'Argent de la Terreur. Les écologistes ont imaginé un temps, Fabien Pilieu, de fabriquer, ils l'ont fait, notamment en Angleterre, mais également en France, des procès pour écocide, avec des... non pas des caricatures, mais voilà, des gens qui revêtaient le costume et les perruques des magistrats britanniques. Pourrait-on imaginer que un accusé se présente à une hypothétique cour de justice future et qui s'appellerait tout simplement la mondialisation? On a l'impression que toute cette organisation, tous ces sentiers, certains clairs et d'autres obscurs par lesquels ces histoires ont lieu, n'ont lieu que précisément parce qu'il y a l'ouverture mondiale que l'on sait. Et il est probable également que les courants nationalistes en vogue à présent, ils sont très attentifs et... Mais s'en repaissent. Et s'en repaissent. Quelle est votre appréciation de ça, vous qui, au vu de vos centres d'intérêt, de ce que vous travaillez, on se rend, j'imagine que vous êtes le premier à vous rendre compte que c'est ce n'est facilité que parce que c'est ouvert. C'est exact. Mais c'est pas parce qu'une porte est ouverte que je suis obligé d'entrer dans la pièce qui se trouve à côté de celle où je me trouve. J'entends bien. Vous avez un surmoi, vous. Ouais. Non, mais c'est très clair. Et dans ce livre, on en fait une grande partie qui est consacrée à... Bah, à vous, à moi, à nous tous, et c'est-à-dire les consommateurs. On n'est pas obligé d'acheter des produits dont l'origine, dont la qualité nous semble douteuse. Il y a une grande partie, une immense partie, si ce n'est la totalité, du financement des cellules terroristes à travers le monde qui sont alimentées par des petits trafics. Alors évidemment, il y a la justice appelle le grand banditisme, hein, les hold-up, les casses, les choses spectaculaires. Mais ça coûte très cher si on se fait prendre. C'est dangereux, on peut aller en prison, on peut être tué, c'est compliqué. Il y a aussi le trafic de drogue. Pareil, le jeu en vaut pas forcément la chandelle, ça coûte cher, difficile à mettre en place, et ça, on peut avoir des peines de prison importantes. En revanche, quelque chose qui ne coûte pas très très cher, quelque chose qui est quasiment indolore sur le plan pénal, c'est la production de produits contrefaits qui explosent. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des filières de, je ne vais pas citer les marques, mais de chaussures avec une virgule dessus, ou avec trois bandes dessus, ou avec un crocodile dessus, ou bien avec des blasons, des logos divers et variés. et on va les fabriquer sans tenir absolument tout sera dans l'apparence, c'est-à-dire qu'on va voilà, il y aura la marque, il y aura le logo. Le produit ne correspondra pas du tout à celui produit par officiellement par les entreprises qui affichent cette logo par ces marques. Et on va les écouler sur les marchés, on va les écouler sur Internet, qui est le meilleur moyen de distribuer des produits de façon illicite. C'est l'extension de l'esprit Canada Dry. Complètement. Mais... Ça ressemble à du whisky, mais ça n'en est pas du tout. Ça n'en est pas. Mais au nom de la marque, on est prêt à... C'est pas grave si le produit ne marche pas, finalement, ou s'il ne marche qu'un temps. C'est pas si grave, ou en tout cas, on se pose pas la question de savoir si de porter des bagues faites avec des résidus de produits pétroliers, enfin, des choses qui ne sont pas absolument chimiquement pures ou claires, des produits toxiques, on va pas faire attention. Mais par contre, on a la marque. Et ça, il suffit de se promener sur les marchés, on va dire les marchés du monde entier, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont... Vous trouvez un t-shirt d'un couturier ou d'une marque reconnue à des prix défiant toute concurrence, c'est pas logique, c'est pas clair. Et c'est un moyen pour les organisations terroristes de financer à peu de frais. Et ça qui... Il suffit de pas acheter. Ça, après, il faut interpeller sa conscience. Il faut se dire, je suis pas sûr qu'en achetant ce t-shirt, il n'y a pas une partie de l'argent qui va pas partir dans le financement d'activités criminelles ou terroristes. Alors, j'ai proposé à Fabien Pilieu, Denis Boulard, d'imaginer la situation suivante, pareil aux écocides qui ont été inventés par des groupes et des personnalités rattaché à l'écologie, l'idée a été de constituer de fausses cours de justice en Grande-Bretagne, en France également, afin de mettre sur le banc des accusés les responsables de crimes écologiques, allant jusqu'à qualifier d'écocide les accusés en question, et afin que ceux-ci aient les peines les plus importantes possibles et imaginables. J'ai proposé à Fabien Pilieu que le prochain accusé du prochain tribunal aurait pour nom la mondialisation, mais avec la plus grande difficulté de voir quels acteurs pourraient se trouver sur le banc des accusés, parce que là, le banc risque de ne pas être assez grand. Vous imaginez un procès pareil ? Je suis désolé, en fait, je vais inverser votre proposition. Faites seulement. Moi, je crois que le... En fait... Il me semble que l'une des failles principales du journalisme et des évolutions du journalisme, on a parlé des évolutions du terrorisme, il y a des évolutions dans le journalisme aussi. D'abord parce que l'attente de la population en termes d'information n'est pas la même, elle ne cesse d'évoluer. Et la façon de travailler des journalistes, me semble-t-il, ne cesse d'évoluer. Nous sommes de plus en plus bousculés par le temps, pressés par le temps. On confond rapidité et précipitation un peu trop souvent à mes yeux. Et moi, je n'exerce pas ce métier depuis quelques années maintenant avec la prétention d'être un chevalier blanc ou un juge. Dans tous les sujets que j'ai pu traiter, qui sont des sujets donc transverses et très différents, hein, on parle de la consommation du tabac, de la vitesse sur les routes, du fait qu'on finance les terroristes en achetant un t-shirt... Dans tous ces sujets-là, il me semble que le principal problème auquel la société d'aujourd'hui est confrontée, c'est pas un problème de sanctions. Je crois que c'est un problème de prévention. On est aujourd'hui passé à une société qui, me semble-t-il, glisse à la systématisation du jugement, de la condamnation, de l'amende, et malheureusement, on a de moins en moins à l'explication. Je suis un père de famille extrêmement heureux, avec deux enfants qui sont absolument géniaux, mais je ne suis pas très objectif sur ce coup-là. Et je crois que la bonne éducation, elle passe par l'explication, la prévention, et non pas uniquement par la sanction. Alors il faut les deux. Donc votre idée d'un jugement, d'un tribunal, oui bien sûr il la faut. Quelqu'un qui est averti, qui est alerté sur le fait qu'en faisant telle ou telle action, il pollue durablement notre environnement, doit effectivement être sanctionné. Mais me semble-t-il, la démarche précédente, et aujourd'hui dans laquelle nous sommes totalement absents, et je parle de nous en termes de société, avec les moyens de communication modernes dont nous disposions, c'est la prévention, l'éducation, la formation. dire à un enfant ne fume pas et lui expliquer que le fait de fumer va lui donner, en tout cas peut avoir le risque de lui donner le cancer, me semble être indispensable, bien plus qu'augmenter le prix de la cigarette. À ceci près que vous mettez de côté, vous écartez la question des ambivalences, Denis Boulard. Si un système parfaitement légal comme celui de la mondialisation économique, de la liberté de circulation des biens et des personnes, permet également que dans pareil système ouvert, d'autres choses moins plaisantes ne circulent, elle ne peut circuler qu'à partir du moment où la liberté de circulation est autorisée. Donc là, on est vraiment dans une ambivalence. C'est autre chose que, effectivement, recommander à une certaine blonde d'éviter de cloper parce que ça sera moyen pour ses éponges. Autrement dit, ses poumons. Là, le message est clair, il est univoque. Là, on est vraiment au royaume de l'équivoque. Je suis pas philosophe. Je ne suis qu'un petit journaliste essayant de faire au moins mal possible son travail. Je crois que ce que vous soulignez comme problème, soulevez comme problème en fait, c'est simplement la difficulté de savoir si l'être humain est bon ou mauvais, et si la société doit considérer que l'être humain est bon ou mauvais. Moi j'enlève le ou pour ma part. Donc il est bon et mauvais. Eh bien voilà, moi j'aurais tendance à penser qu'on est plus efficace dans la prévention que dans la répression, mais que l'un ne va pas sans l'autre. Et qu'on a une société malheureusement qui, d'un point de vue politique en tout cas, se réfugie très facilement dans la répression plus que dans la prévention. J'aurais tendance à penser que l'un des problèmes fondamentaux en fait de notre société est assez simple à... Je vous dis pas qu'il est simple à résoudre, mais il est simple à poser. L'homme politique, il est élu pour un mandat, on va dire, de 5 ans en France. Il arrive avec beaucoup de projets. Et 5 ans plus tard, il va être réélu ou non, parce qu'il aura traduit ses projets en réalité. En fait, il est prisonnier d'une logique absolument terrible, qui est que le temps médiatique, qui est un temps de l'immédiat, lui dit « Ok, tu prétends vouloir résoudre le chômage, tu prétends vouloir résoudre la pauvreté, qu'as-tu fait ?» Et en fait, c'est pas le cas tu fais, c'est fais-le tout de suite, immédiatement. Or, le temps politique, il est comme le temps économique. Il est sur une autre dimension, dans une autre durée. L'inertie des grands paquebots avant le freinage. Oui, et puis faut du temps. Et puis malheureusement, parfois, ce n'est pas possible de faire autrement. C'est-à-dire le fait de décider d'une réforme. On va prendre l'idée de la réforme du système d'éducation en France, par exemple. On veut réformer ce système. Entre le moment où le ministère présente un projet et le moment où ce projet va devenir réalité, et le moment où cette réalité va avoir des traductions objectives dans le quotidien des étudiants français devenus des jeunes entrant dans la vie active, il va s'écouler 20 ans. Comment il faudrait que le temps médiatique, finalement, s'adapte et cesse d'être capricieux en exigeant que tout aille très vite, que ça soit immédiat. Et cette difficulté d'appréciation du temps, de la mesure du temps, me semble-t-il, nous conduit aujourd'hui à malheureusement privilégier la répression sur l'éducation. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante nous présenter votre ouvrage. Alors, on redit le titre. Je vous prie, allez-y, c'est à vous, c'est vous l'auteur. Merci de m'avoir reçu. Donc, nous avons écrit avec Fabien Pilloux L'argent de la terreur. L'argent de la terreur, avec en sous-titre une enquête sur les trafics qui financent le terrorisme aux éditions First Document. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain, rendez-vous avec Valérie Montmartin. Elle est productrice du documentaire « L'argent de la terreur » à voir dimanche soir sur RTS2. Les sources de financement du terrorisme sont multiples. Drogue, pillage, contrebande, enlèvement, transport de migrants, taxes illégales, exploitation illicite de ressources naturelles rapportent des milliards aux rebelles à travers la planète. Ces trafics qui financent le terrorisme, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté.